Après s'être logé à grands frais à Paris, Frédéric rend successivement visite à Madame d'Ambreuse, à Rosanette et à Madame Arnoux. Puis il organise sa pendaison de crémaillère avec ses amis. Il apprend qu'Arnoux a des ennuis financiers et décide d'en parler à sa femme, qui le charge de veiller sur son mari. Celui-ci n'hésite pas à la tromper avec Rosanette, qui se fait entretenir sans limite. Cette femme plaît à Frédéric, qui prend de moins en moins de précautions pour lui faire comprendre. Mais elle se soustrait toujours à ses avances. Aussi décide-t-il de lui faire faire un portrait par Pellerin afin de la voir plus souvent. Mais Deslauriers voit cela d'un mauvais œil et exhorte Frédéric à lui prêter l'argent nécessaire à la fondation d'un journal. De plus, il engage, de même que Madame Arnoux, à aller voir d'Ambreuse pour trouver une place au Conseil d'État. Mais ce dernier le verrait plutôt dans les affaires. À la sortie de son dîner chez les d'Ambreuse, Frédéric apprend que Rosanette est libre et il décide de devenir son amant. Mais à peine est-il devant chez elle que Mademoiselle Vannaz lui révèle que Delmar, acteur, l'a devancée et elle veut que Frédéric mette Arnoux au courant de sa perfidie. Lorsque Frédéric arrive chez Arnoux, Madame Arnoux est furieuse envers son mari car elle a appris qu'il l'a trompée. Arnoux part et Frédéric essaie de la consoler. Frédéric devient alors le parasite de la maison d'Arnoux. Ce dernier connaît d'ailleurs des revers de fortune. Quant à Deslauriers, il ne cesse de lui réclamer l'argent pour le journal. Mais à peine Frédéric l'a-t-il reçu qu'Arnoux le supplie de lui prêter cette somme pour ne pas être exproprié. Confiant à la parole du bourgeois, qui lui promet le remboursement sous huitaine, Frédéric accepte de lui céder les 15 000 francs qu'il vient de recevoir du notaire. Mais le temps passe et Arnoux ne rembourse pas. Lorsque Deslauriers vient réclamer cet argent, Frédéric dit les avoir perdus au jeu. Leur amitié se brise. Arnoux, pourtant, semble toujours endetté jusqu'au cou, puisqu'il demande au jeune homme d'intercéder en sa faveur auprès de d'Ambreuse, son créancier. Frédéric discute avec le banquier, qui lui propose alors un poste important dans la nouvelle compagnie de houille qu'il est en train de fonder. Enthousiaste, Frédéric accepte, mais au lieu de se rendre au rendez-vous prévu 3 semaines plus tard, il préfère aller voir Madame Arnoux à la fabrique de faïence à Creil.